Bonjour. Bonjour à tous. 14 juillet, du bleu, du blanc, du rouge, c'est la fête nationale en France. Pour l'occasion, 3000 soldats ont défilé sur les Champs-Élysées et le président François Hollande a donné une interview conjointe à France 2 et TF1. Une interview qui sent la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2017. Le président François Hollande y a par exemple pointé les différents enjeux, bien différents de ceux de 2012. Écoutez-le. Ce qui compte, c'est non pas de regarder simplement les paroles qui sont prononcées dans une campagne en 2012, que j'assume, parce que j'avais dit devant les Français très clairement que si on ne se redressait pas, on ne pourrait pas redistribuer. Et je ne vais pas m'excuser par rapport à une situation internationale, c'est trop simple. Je l'ai connu, j'ai eu des épreuves terribles, la crise, la Grèce, les banques, et puis bien sûr les attentats, mais... Ça, je dois l'assumer. Mais ce que je pense, c'est que l'enjeu de 2017, c'est un enjeu beaucoup plus important que celui de 2012. En 2012, il fallait que le pays se redresse. En 2017, il va falloir que le pays tienne debout, se lève et puisse parler au monde. Parce que ce qui est en cause en ce moment même, dans le monde, je parle du monde occidental, en dehors de tout ce qu'on sait des menaces terroristes, des guerres et de tout ce qui peut altérer notre vie. Ce qui nous menace, c'est une atteinte grave à la démocratie. C'est la démocratie elle-même. Et François Hollande qui a aussi rappelé très fermement à son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, les règles d'un gouvernement, la solidarité et l'esprit d'équipe. Emmanuel Macron a donné un premier meeting de campagne mardi à l'approche de l'élection présidentielle, pendant lequel il a fustigé les promesses non tenues des gouvernants. Une formule évidemment assez mal perçue par le gouvernement dont il fait partie. Chez nous, ce matin, une petite délégation d'ostéopathes s'est rendue au cabinet de Maggie de Bloch. Ils ont remis une pétition à la ministre de la Santé, 50 000 signatures. Ils sont en fait très remontés car Maggie de Bloch et l'OpenVLD planchent depuis plusieurs mois maintenant sur une révision de la loi COLA. C'est une loi qui encadre les pratiques non conventionnelles de la médecine, comme l'ostéopathie. Maggie de Bloch envisage de reconnaître l'ostéopathie, oui, mais uniquement en seconde ligne, après prescription d'un médecin généraliste. Une idée qui ne plaît pas aux ostéopathes, qui estime qu'on retire le libre choix thérapeutique aux patients. Aucun suspect n'a été identifié à Saint-Gilles après l'incendie la nuit passée de 9 voitures. Le feu a été bouté à une première voiture. Il s'est ensuite propagé à 8 autres véhicules en stationnement. Selon les premiers constats des pompiers, c'est un incendie volontaire, mais la piste criminelle doit être confirmée. Le parquet de Bruxelles a ordonné plusieurs devoirs d'enquête, dont une enquête de voisinage, l'audition des témoins et l'analyse des images de surveillance. On passe au sport, le Tour de France, 12e étape en cours. Les coureurs relient Montpellier au Mont Ventoux. Samuel Grulois, vous êtes sur place. Depuis de nombreux kilomètres, les coureurs aperçoivent le Mont Ventoux. Dans quelques minutes, ils seront au pied de l'ascension. Oui, c'est la particularité de ce géant de Provence. On le voit de loin, de partout. Et quand vous savez que vous allez devoir le grimper, vous avez le temps de tergiverser. Nous sommes à Bédouin, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les 13 coureurs de tête, Lindemann, Clement, Tekla Imanot, Greipel, Coquart, Chavanel, Navarro, Lemoine, Sorensen et les Belges, Van Mark, Powels, De Gendt et Case sont donc dans la portion de 7 km en faux plat montant menant au pied du Ventoux. Ils comptent encore 9 minutes 30 d'avance, un écart qui reparti à la hausse suite à la chute en tête du peloton de Gerrans et Stannard et suite à la pause pipi du maillot jaune Christopher Froome. Comme on n'attaque pas un maillot jaune qui satisfait un besoin naturel, eh bien le peloton a ralenti, ce qui a permis aussi à Stannard, un équipier de Froome chez Sky, de changer de vélo à son aise. Cette pause pipi était peut-être tactique et fera peut-être polémique. Ce ralentissement soudain du peloton aura en tout cas permis à quelques coureurs surpris par les bordures tout à l'heure de revenir, comme Menches et Mike Pinot est par contre toujours lâché. Merci Samuel. Et puis du football également dans l'actualité avec un petit lot de consolation pour les Diables Rouges. Malgré l'élimination en quart de finale de l'Euro 2016, la Belgique conserve sa deuxième place au classement FIFA. Derrière le leader, inchangé lui aussi, l'Argentine. Le Portugal, vainqueur de l'Euro, grimpe lui à la sixième place. Voilà pour les infos, merci pour votre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Les idées blanc la cuisine. Et tout de suite, c'est presque sérieux avec vous, Walid. Ne changez rien, Marie. ne change à rien, vous êtes un petit rayon de soleil. On a un peu ricané en début de journal. Hein. Mais parce que c'est notre vie. Je veux dire, on peut partager notre vie. Voilà, on racontait des blagues sur les Fiat 500. Voilà, comme ça, vous êtes content et vous savez tout. En fait, les gens ont déjà oublié, vous savez ça. Oui, c'est jamais vrai. Revenir, c'est la règle de base en radio. Jamais raison, réexpliquer ce qui s'est passé. En fait, tout s'est bien passé. Il ne s'est rien passé. Voilà, c'est exactement ça. Repodcaster en tout cas si vous le souhaitez. Et d'ici là, nous sommes presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Le jeu Pokémon Go, plus fort que le porno. Ça rime bien. Ouais, aux États-Unis, il y a plus de requêtes pour le jeu lancé de requêtes. Bonjour Walid. Vous allez bien, vous êtes photographe. Eh oui, pour tout vous dire, là je suis en session avec une femme enceinte. Dites, mais on saura tout. C'est-à-dire, vous êtes photographe ou gynécologue, faut savoir. Président de la République, bonjour. Alors bonjour monsieur, Jean-Marc à l'appareil, coiffeur à la TIF, on a été coupé. Vous avez été coupé, monsieur. Avec une de vos collègues coupée comme les cheveux, c'est-à-dire que je l'appelle pour savoir comment je peux faire pour coiffer le président. Monsieur, je vous ai dit, votre demande, vous l'envoyez par écrit. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas clair dans ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, pas clair pour la coloration? Non, pas clair pour vous. Pour moi, non, moi, j'ai pas fait la coloration. Non, vous n'avez pas fait de coloration, ça c'est sûr, monsieur. Jean-Marc Morandini, je pense à ceux de ces téléspectateurs qui sont éboueurs de profession et qui doivent avoir l'impression, en le regardant, de prester des heures sup non payées. Jean-Marc Morandini, c'est la télé poubelle d'avant le tri sélectif. Bref, Morandini, c'est un peu la télé des ordures ménagères de plus de 50 ans. C'est pour les chats. C'est pour les chats. Ah, ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Elle fait des manteaux. Quelle horreur. Alors, il y a un rapport avec les catapultes? Non. Des chatapultes. Ils n'ont pas envie d'être vus comme des malades mentaux. Voici les propositions du jour. Vincent Flibustier. Eh bien, c'est Michael Denschfein, j'ai du mal à le lire, qui est le président de l'association des nécrophiles de Charleroi. Voilà. Attendez, le président des nécrophiles de Charleroi. De l'association des nécrophiles de Charleroi. Ça a été fait sur place, ça s'est fait sur place, ça. C'est du minute. C'est-à-dire, non. C'est comme l'Amérique a préparé. Ça peut pas rester, sinon c'est. Vous n'avez pas fait ça en cuisine pendant une demi-heure. Non, c'est la maintenant. On va demander à Raoul Reyers, justement, le Quibus. Bob Quibus. Ah bon? Bob Quibus est le patron de l'agence de publicité qui travaille pour Etias. Et il vient d'avoir une fulgurance ici. Et il vient de créer le prochain spot qui est « Tu as perdu ta bague sur le ring ». Et Tia sera là dans la demi-heure. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Avec l'Euro de foot, l'Euro d'athlétisme, les Jeux Olympiques, en plus des traditionnels Wimbledon et Tour de France, il n'y a pas à dire, l'été 2016 sera sportif. Hein, s'ils sont habiles et agiles sur le terrain, mais les sportifs sont parfois un peu moins à l'aise en interview. Il arrive qu'ils s'en mêlent les pensées, hein, comme le footballeur Johan Lachor, hein, qui a déclaré que cette fois, les carottes sont mortes. Hein, ou son collègue Patrice Evra, qui estimait qu'il faut qu'on tire tous dans le même bateau. Et qu'il faut rendre aussi César à César. Ah voilà, on se souvient tous également de cette déclaration d'anthologie de Johnny Hallyday à l'arrivée d'une étape du Dakar en 2002. Hein. Tu crois que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. C'est pas faux. Finalement, c'est vrai. Et jusqu'à 17h30, ils vont vous mettre, tant qu'à être dans la presque, à peu presque expression, citation, proverbe, l'eau à la douche. Hein, ce sont vos chroniqueurs du jour. Un peu de rafraîchissement, justement, de pétillant. Et celle qui mettra de l'eau dans le gaz de l'actualité, Pexi Cola. Bonjour, Olivier. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est une nouvelle. Ouais. Ah ouais, c'est une nouvelle. Ouais, une nouvelle. Elle arrive comme ça. Elle rougit vite maintenant, je viens de le découvrir. Donc voilà, Pexi. Elle n'a pas fini de rougir. Non, je crois aussi. Il est parfois du genre à prendre racine ou à brailler du corneille. C'est Eric de Stark, bonjour. Bonjour les amis. Sa spécialité, tourner autour du mot. C'est Mickaël Elbaz, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Il arrive toujours à faire plancher la balance en sa faveur, c'est Raoul Reyers. Ah oui. Planche, ça suffit, hein. J'ai compris, c'est de moi qu'on parle. C'est vrai. Tiens, la vérité. Regardez le temps dehors. Bah oui, on le doit à vous également, vous êtes notre rayon de soleil. La vérité, tiens, lui, il s'en moque comme de sa plus laide chemise qu'il porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est bah, très bien aujourd'hui. C'est Vincent Flibustier. Tout en sobriété. Il s'est donné le mot avec Eric De Starck, j'ai l'impression. C'est un concours. Par contre, Eric, oui. Là, il y a du On fera des photos, on mettra ça sur la page Facebook. Tiens, face à une difficulté, il n'est pas du genre à prendre la poudre des scampis. C'est petit Samad Achour qui prépare cette émission pour vous. Et puis quand il est à la console, le montage finit, lui, par accoucher d'un sourire. C'est Vincent Van Der Venet à la réalisation. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Merci à vous d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. On reviendra sur le phénomène Pokémon Go aujourd'hui avec Pexi, attrapez-les tous. Qu'est-ce que vous avez, j'ai lancé un nouveau concours, c'est une autre manière de voir les Pokémon, c'est attraper les maladies. Moi j'ai attrapé le tétanos. Vous auriez pu attraper vous, Raoul. Je ne sais pas comme ça. Hein. Je crois que je dois pouvoir vous la trouver. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait fait un rap à la fin des épisodes de Pokémon. Il y avait un rap avec tout le nom des Pokémon, Salamèche, Carapuce, machin. Et il y en a un qui l'avait remodifié en justement Chlamydia, Sida, Tétanos. Ah mais je n'ai pas vu. On va essayer de trouver. Au fond, c'est n'importe quoi. On peut dire n'importe quelle maladie. Ça marche. Grippe aviaire, par exemple. ça marche, c'est ça, beau. C'est ça. Un beau nom, ça. Ah, c'est grippe aviaire, c'est pas mal. On parlera d'Emmanuel Macron et de sa presque candidature. Vous le savez, 14 juillet oblige. On va parler un petit peu de nos amis français. Comment gérer un amour de vacances? C'est la question que se pose Eric De Starck et il a des réponses à vous apporter. Ce sera tout à l'heure. Et d'ici quelques minutes, nous allons vous proposer un jeu. Docteur Panique, ce jeu, vous allez pouvoir repartir avec pour passer un bel été. Avant-dernière émission de la saison. Ah oui, demain c'est la dernière. Une émission un peu spéciale demain. Hein, je vous expliquerai ça dans un instant avec des invités, des surprises. Ah ça va être des cadeaux. Des cadeaux aussi. Ouais. Et si vous voulez repartir avec Docteur Panique, c'est le moment, c'est l'instant. Il suffit d'envoyer ces trois lettres CPS au 6031 75 centimes message pour le qui a dit du jour, le qui a dit le voici. Qui aurait pu dire il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. À vous de déterminer parmi les propositions que nous vous ferons dans un instant, celui ou celle qui a la bonne réponse. En attendant, pénétrons, entrons de vifs voix dans... Où allez-vous? Vous voulez parler de l'info en chanson? Je voulais que je vous dise un truc. Les mots sortent de ma bouche. D'accord. Mais pas de votre tête. C'est exactement ça. Je suis un robinet, comme dirait ma femme. C'est vacances. Bon. Il faut tenir. Mais j'ai un robinet demain. À mots. C'est ça. Rattrapez-vous. Non, mais je veux dire, voilà. Qu'est-ce que je disais? Et là, on parlait encore avec le plombier. Voici la une du jour. C'est la une. Deux extraits musicaux. Écoutez les deux infos que nous recherchons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Voilà, on dit combien? Tu dénonces la grande échelle. Monsieur le juge, je vous demande de me pardonner. Comme de raison. Vous avez reconnu Sacha Distel avec l'incendie à Rio et Alain Como avec Monsieur le juge. Démarrant avec Sacha Distel. Et ce morceau, de quoi s'agit-il? Avez-vous lu, entendu une info en rapport avec les pompiers, l'incendie à Rio ou les pompiers? Ben c'est les voitures brûlées à Saint-Gilles. Non. Ça aurait pu. Hein. Brûler 9 bagnoles. C'est une étude concernant les pompiers. Pas du tout. Non. Voilà. Ça concerne les tuyaux. Non. Les sirènes. Les sirènes non plus. Petite parenthèse, Pexi, c'est quand vous voulez. Oui. Elle prépare la grande échelle. Attendez. Pression. Mais je sais, j'ai toujours met encore plus à l'aise. Ça ne marche pas du tout. Non, la pression, ça met encore plus à l'aise. Non, Walid, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous jure que si. C'est comme ça que ça marchait sur moi. En fait, on n'a plus assez de pompiers. C'est une info. C'est exactement ce que je pensais. Que des volontaires. On n'a plus assez de volontaires. Plus assez de volontaires, plus assez de pompiers. Qu'est-ce qui va se passer? Yanni Ambon a fait quelque chose. En tout cas, il va aller à la recherche de des Syriens, des pompiers syriens. Oui, c'est ça. On va ramener les terroristes qui sont en Syrie pour faire des pompiers. Ah, c'est pas le statut de métier à risque? Non. Yanni Ambon va partir à la recherche de pompiers volontaires. C'est ce que vous voulez dire, Pexi? D'accord. Exactement. Un petit peu comme les ferrailleurs. C'est un peu ça. Il y a présenté hier une nouvelle campagne de recrutement pour les pompiers volontaires. En Belgique, parmi les 18 000 pompiers belges, 12 000 sont volontaires. Les différentes zones de pompiers sont encore à la recherche cette année de 410 volontaires en Flandre et 198 en Wallonie. Toute personne donc qui veut poser sa candidature doit d'abord obtenir un certificat d'aptitude fédérale. Et pour les intéressés, vous trouverez toutes les infos sur le site jedevienspompier.be. Ah bah. Oh bah c'est pas militaire, je vais te faire le service pompier. Mais oui, voilà. on va les payer normalement, ces gens-là, ou ça va encore être moins cher, parce que moins... Alors, ils sont volontaires, donc s'ils sont volontaires... Oui, c'est ça. Ils sont payés à l'acte. Ils sont volontaires, c'est pas bénévole. Donc, pour gagner leur vie, ils doivent aller foutre le feu et puis l'éteindre après. Alors, j'ai passé, moi, 48 heures avec des pompiers. Ah, j'ai passé une très très belle expérience avec des pompiers où on, franchement c'est, je salue d'ailleurs tout leur courage. Quand vous aviez grimpé sur l'atomium, oui c'était énorme. C'est vrai, c'était, franchement c'était une des plus belles expériences de ma vie. Mais à côté de ça, lorsque vous entendez des pompiers s'exprimer entre eux et qu'ils prononcent le code Delta Charlie Delta, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est décédé, donc c'est notre mort. Ouais. Oui. Voilà, c'est exactement ça, c'est les initiales de décédé. C'est vrai que ça peut être embêtant, il y a les pompiers ambulanciers. À une époque, mon père a fait ambulancier, et pour du privé, et quand il se retrouve avec un cadavre, quand c'est du privé et que c'est pas un hôpital qui envoie une ambulance, c'est très embêtant, parce que la plupart des hôpitaux n'en veulent pas, et ne sont pas obligés de les accepter, et peuvent essayer de magouiller. Ils bougent encore. Ils ont déjà tourné pendant 5 heures avec un cadavre à l'arrière, et c'est pas évident du tout. Donc on les salue, nos amis ambulanciers, et nos amis toujours décédés. Toujours le mât pour rire. Vous mettez une ambiance là. Mais c'est pas vrai, c'était la mauvaise histoire. Allez, la bonne maintenant. Non, on va écouter la deuxième chanson, c'est Alain Como tout de suite avec Monsieur le Juge. On n'a plus assez de juges volontaires. On n'est pas très loin. Ben c'est encore les magistrats à Bruxelles qui vont manifester. C'est Kungens qui a reçu un rapport d'experts qui préconise quelque chose. De former plus de juges. De former plus de juges. Non, justement pas. Non, justement pas. D'arrêter de former des juges. Ah ben. Il y en a trop. Mais bravo. Merci. Non, pas d'arrêter de former des juges, c'était pas ça. Non, mais. Mais qu'il est méchant aujourd'hui, c'est terrible. L'important, c'est de participer. Une partie des juges pourrait disparaître, mais lesquels? Les juges d'instruction. Les juges d'instruction. Mais il ne faut pas. Alors, on doit les garder. Les juges d'instruction. On les garde. Non. Justement. On veut pas. Il y en a trop. Oui, je sais. Et ils sont voués à disparaître. Eh oui. Eh, non, il faut pas. C'est ce que ce rapport d'experts, en tout cas, préconise. Confier l'enquête pénale uniquement au parquet. Pour l'opinion publique, le juge d'instruction bénéficie donc d'une grande reconnaissance, un symbole de l'indépendance, personnage clé dans certaines affaires qui ont marqué le pays. Pourtant, la fonction devrait bientôt disparaître. C'est en tout cas ce que préconisent quatre experts, dans un rapport jalon pour un nouveau code de procédure pénale. Et ils viennent d'où ces experts? De Miami. Le Manhattan, Las Vegas, un peu partout. Et donc c'est un grand roux comme ça avec des lunettes. Ils l'ont remis au ministre de la Justice, Kungens, et on a pu consulter ce rapport dans le soir. Rapport avec la justice, la Saint-Glinglin. Vous savez que c'est un jour qui existe, vraiment, pénalement parlant. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas le 29 février? Non. C'était après l'élection d'un Premier ministre, d'un président de la République ou d'un roi. Il y a toujours... C'est pas une journée de grâce? Non, ça a été, ça a été fixé. C'est une blague qui a mal tourné, comme ça a été fixé. Oh ben, je vous promets c'est un peu ça. C'était pas une blague, c'était habile. Mais ça a été fixé par un tribunal. Cette date existe bien. La Saint-Glinglin existe donc dans le code pénal. C'est le 1er novembre. Mais. À pas confondre avec la Saint-Sing-Sing. Alors, pourquoi, à votre avis, on a décidé de mettre. Et le tribunal a jugé bon de mettre le 1er novembre comme la date de la Saint-Glinglin? C'était parce qu'à mon avis, ils voulaient dire on reporte l'audience à la Saint-Glinglin au 1er novembre. Or, c'était férié, et du coup. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Glinglin, c'est un rapport avec c'est tous les saints. Non. On l'a dit avec tous les autres saints. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui a eu une très très bonne idée. Il a dit, voilà, je remettrai de l'argent. Donc, il devait de l'argent à quelqu'un. Il s'est passé au tribunal. Il dit, voilà, je vais remettre. Je rendrai l'argent à la Saint-Glinglin. Bon, ça a été acté. Sauf que tout le monde sait que la Saint-Glinglin, ça viendra jamais. Oui. Et donc, le tribunal a dit, ah, monsieur fait le malin. Voilà. Ah, c'est monsieur. Le 1er novembre, c'est tous les saints. Voilà. Et le 1er novembre, c'est tous les saints. Donc, la Saint-Glinglin. Si vous dites à votre ami, ah tiens, je te dois la Saint-Glinglin, sachez que vous récupérez votre argent. La semaine des 4 jeudis, c'est bientôt. Faites une blague dans ce sens. Voilà, on va demander à Vincent Flibuchier de la faire pour son procès. Oui, mais tous les mois en 4 jeudis. Au minimum. Voilà. 6 jeudis. En attendant, on va s'intéresser à l'autre actualité, revue par celle qui fait son entrée dans la cour des animateurs, chroniqueurs presque sérieux. Elle s'appelle Pexi. Retenez bien son prénom, elle va nous illuminer de son talent, de sa petite fraîcheur et douceur. C'est Pexi qui nous parle dans la suite des Pokémon. Vous savez qu'on fait de la radio, donc ne hochez pas la tête. Oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent ? Un impact financier. Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique. Car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Le Brabant Wallon présente... C'est l'île aux enfants au domaine provincial d'Hélicine. On va s'éclater avec les clowns, découvrir les Cro-Magnons et cuisiner comme de vrais chefs. Il y aura des manèges, chantiers et plein d'autres activités. C'est à partir de 9h30 et on nous offre même le petit-déj. L'île aux enfants, c'est le 24 juillet. Info sur domainehelicine.be. La première, Mobile Info. 16h20, on fait un point sur vos conditions de circulation. Que se passe-t-il sur nos routes, Pierre? Non, ce n'est pas Pierre, mais bonjour Walid, c'est Antoine. Un accident sur bonjour Antoine. Pas de problème, un accident sur le 42 Mons-Tournai à hauteur de Bury, bande de gauche neutralisée vers Tournai. Un accident s'est produit sur la N40 Beaumont-Philippeville à hauteur de Sillan-Rieux, chaussée fermée dans les deux directions, déviation locale bien sûr mise en place. Premier ralentissement sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure au titre Grand Bigard plus 20 minutes et en circulation extérieure Grand Bigard au titre plus 15 minutes. Des ralentissements engendrés par des travaux, c'est sur le 40 Bruxelles Ostende au niveau d'Herpomer, vous perdez une trentaine de minutes avec des répercussions sur la N9 depuis Wetteren, 15 minutes perdues, c'est vers Ostende. Et pour terminer, cet accident sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Lichtenbusch, j'espère que je prononce correctement, circulation ralentie en direction d'Aix-la-Chapelle. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Nous vous offrons le jeu Docteur Panique. Si vous souhaitez repartir avec, il y a une petite formalité à remplir. La première, bien, c'est de s'inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous repartirez avec ce jeu si vous déterminez parmi les propositions que nous vous ferons qui a pu prononcer la phrase du jour. Il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. Réponse dans plus ou moins 10 minutes maintenant, après les infos de 16h30, après le top 3 de Raoul Reyers et après la toute première chronique de notre Pexi. Pexi qui va nous parler du Pokémon Go, cette nouvelle application qui mélange donc la réalité et le jeu et qui fait sortir donc des milliers de jeunes dans les rues à la chasse de ces petits personnages qu'on connaît bien. Enfin, qu'on dit jeunes, la plupart d'entre eux sont trentenaires. Oui, j'ai appris qu'il y avait des gens pas jeunes qui jouaient aussi. Et je ne désigne personne dans ce studio. C'est vrai. Les Pokémon, on pensait en être débarrassés. Eh bien non. Ils reviennent via une application pour smartphone, un jeu de réalité augmentée. Je rappelle donc pour celles et ceux qui, comme moi, sont nés au siècle passé, que les Pokémon sont de petits personnages fictifs, le plus connu étant Pikachu, une souris qui ressemble à un lapin jaune. L'application Pokémon Go a été lancée il y a une semaine aux États-Unis, Japon, Australie, et c'est un carton. Un carton intersidéral. 7 millions de téléchargements, plus 25% en bourse, c'est la folie. Les gens sont complètement accros. Tout le monde veut capturer des Pikachu et autres bulles bizarres. Concrètement, comment ça se joue ? Je marche dans la rue en regardant fixement l'écran de mon téléphone. Sur l'écran, je vois le trottoir sur lequel je suis en train de marcher. Et tout à coup, apparaît un Pikachu. C'est extraordinaire ! Génial ! Plus besoin de prendre de substances hallucinogènes illicites. On n'a qu'à télécharger Pokémon Go pour voir plein de petits bonhommes multicolores tout autour de nous. Évidemment, comme tous les phénomènes viraux, il s'accompagne du syndrome du neurone solitaire. Ah. C'est-à-dire qu'on est tellement pris intellectuellement par ce jeu qu'on oublie de penser. On a donc pas mal d'accidents. Des gens qui tombent dans des fossés, qui traversent la route sans regarder, qui chassent le Pikachu en conduisant, etc. Il y a des blessés. Bientôt des morts. Si. Il y aura des morts. On va retrouver les cadavres, mais il n'y a pas encore une. Non, non, mais il va y en avoir. Ah non, il va y en avoir, je suis sûre. On peut parier, Raoul. Non. Alors, il y a des morts, mais la bonne nouvelle, c'est que les gens qui meurent en jouant à Pokémon Go sont d'excellents candidats aux Darwin Awards. Ah oui, c'est vrai. Personnellement, j'adore les Darwin Awards. Donc, merci pour Pokémon Go et tous les futurs morts absurdes. Alors, pour l'instant, en Belgique, on n'a pas de chance parce qu'on ne trouve que des versions piratées de l'application. Ce qui n'empêche pas certaines personnes ici d'y jouer quand même. Mais donc, normalement, on n'a pas le droit. Mais la SNCB a pris de l'avance. Oui. Tiens, une fois n'est pas coutume. C'est pas possible, non, c'est encore une fausse information. Si, non, c'est vrai. Elle a pris de l'avance et elle a encouragé d'ores et déjà ses voyageurs à utiliser l'application dans les trains et dans les gares. Mais quelques heures plus tard, le temps de la réflexion probablement, elle a retweeté, cette fois pour demander aux passagers de ne pas jouer sur les rails. Ah oui, quand même. Ce qui lui a valu quelques railleries. Jolie. Je suis très fière, oui. Enfin, pour terminer sur une note positive, notons que le Pokémon Go permet aussi un bel essor pour la profession de voleur. En effet, aux États-Unis, certains l'utilisent déjà pour attirer des joueurs dans des endroits précis, en promettant un petit Pikachu, et paf, pour les braquer. Il fallait y penser. Des ados surtout, non? Oui. Hein. C'est des ados qui braquent d'autres ados. Oui, c'est sympa. Ouais, Ah, Raoul, qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain? On va braquer. Pauvre. J'essaie toujours de trouver des solutions pour gagner un peu d'argent. Il faut arrondir ces fins de mois. Mais profitez-en avant que ce soit surveillé, quoi, parce que je pense que pour l'instant, c'est piraté, c'est bon. Bon, en fin de compte, voilà, que du bon, donc merci le Pokémon Go. La police d'Anvers a déclaré être fan de l'appli. Donc, c'est vous dire si on est bien parti en Belgique. Dès que ce sera officiel, ça va croiser. Bon, on croise les doigts pour l'arrivée la plus rapide possible de ce jeu qui va transformer tous les adolescents, grands ou petits, en zombies. C'est vrai. On va tous ressembler à des morts-vivants. Mon fils m'a montré un Pikachu, là, cette souris jaune. Une souris, c'est quoi? C'est un lapin, un cheval? Non, c'est une souris, paraît-il. C'est une souris. Oui, ça ressemble pas à une souris. Ça ressemble elle était à dans lapin mon jaune. Salon. Presque, oui. On est d'accord. Elle était dans votre salon? Dans mon salon, oui. Ah bon? Et vous l'avez bien vécu? Vous voulez nous le raconter? Écoutez, je viens même de voir que j'en ai capturé un dans les couleurs de l'RTB. Mais ah oui, bon? J'ai vu ça. Ah, Raoul Reher, il n'a même pas besoin de l'application. Ah oui, c'est un grand adolescent. Ouais, bah, écoutez. Un gros adolescent. Allez, le top 3 de Raoul Reher, c'est parti. Ça fait du bien. Trois titres pour nous, Raoul. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la presse du jour? La presse est un peu pauvre. Ouais, c'est l'été, hein? Mais oui, bientôt les vacances. Eh oui. Aux îles Féroé, on équipe les moutons de Google Street View. Mm-hmm. Donc au lieu de mettre des bagnoles qui font peur aux gens avec tous les bazars sur le toit et tout, là on met une caméra, un GPS sur un mouton. Il faut dire qu'il y a 80 000 moutons pour 49 000 habitants. Oui. Il n'y a pas beaucoup de routes, évidemment. Mais il y a 10... Enfin, c'est une petite... il y en a 18. Hein. Oui. Et donc, il n'y a pas beaucoup de routes. Donc, ils auront vite fait leur travail. Mais ouais. Ce qui m'intrigue, c'est 49 000 habitants pour 80 000 moutons. Est-ce qu'on parle encore de consanguinité ou plutôt de lien? Oh non, non. Et donc, voilà, ben, c'est pas con. Donc, Google a encore trouvé un moyen de faire travailler les autres. Ah oui, moins cher. Moins cher pour rien. Des gratuit. Ah non, pas gratuit, puisque les moutons appartiennent à quelqu'un. Donc si on pose quelque chose dessus, il est loup. Ah oui, pas folle. Les loups, ah, mais croyez, les loups mangent les moutons. Mais les loups mangent les moutons. Et les caméras. Aussi, surtout. Bon, numéro 2. En numéro 2, guérir le cancer, ralentir le vieillissement, Kim Jong-un a la solution. C'est quoi? Ah oui. C'est assez génial, hein. Donc après la gueule de bois, M. Un annonce pouvoir guérir le cancer. C'est tout simplement grâce à une eau minérale qui s'écoule sur le flanc de la montagne Koryong, à proximité de la capitale, Pyongyang, donc c'est bien parce que c'est pas très loin pour aller se faire guérir, mais surtout n'ébruitez pas cette découverte auprès de Daniel Baclène. Ah oui. Parce que grâce à cette cure de jouvence, il devrait être possible de travailler jusque 90 ans. Au moins, minimum. Vous imaginez le truc? Avec tout ce qu'il fait, Kim Jong-un, il devrait mettre des petites cartes de visite dans les journaux, là, vous savez, c'est un genre de marabout, quoi. Oui, c'est ça, il paraît qu'il arrive à... réparer les Volvo. Mais les Nord-Coréens ne meurent pas du cancer. Hein. Ils ne meurent que dévorés par des chiens. Ouais, par exemple. Ouais. Allez, en numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. Eh bien, moi, je vais vous dire, histoire de dire que nous ne sommes pas si bêtes, voici quelques perles du bac 2016. Ah. C'est pas si mal, je dois dire. Bon, c'est pris au hasard dans les copies des étudiants. Par exemple, celle-ci, si le Royaume-Uni vote oui au Brexit, ce sera positif pour la France. Ça ferait une équipe de moins pour l'Euro 2016. Ou bien le général de Gaulle avait les oreilles aiguisées, ce qui lui a permis de s'enfuir à Londres avant l'arrivée d'Hitler en France. C'est incroyable, ces gamins ont quand même 18 ans. C'est ça, ils jouent au Pokémon Go, voilà comment vous terminez. Hein, ouais. Marquer l'histoire, c'est bien, mais encore faut-il faire quelque chose de grandiose. Comme par exemple Sarkozy en allant déjeuner au Phuket. C'est hallucinant quand même. Coup d'éclat. Et je pense que c'est pas inventé, il y a tellement... Je ne pense pas qu'on soit ironique. Un petit dernier, vous avez un petit dernier pour nous? Allez, si Descartes avait vu le nombre de fois où ses œuvres ont été imprimées, il se retournerait dans sa tombe en pensant aux droits d'auteur perdus. Il y en a plein. Hein. C'est exactement ce qu'on ressent quand on lit ça après. On se dit, pauvre professeur. Bon, on s'informe à 16h30. Si un jour des avions qui s'écrasent vraiment tout le temps, c'est parce que les gens n'auront plus la compétence pour pouvoir. Des avions papier. Arrêtez de jouer au Pokémon. On s'informe à 16h30 et puis on s'intéressera à l'actualité avec laquelle nous jouons. Il n'a plus de vie privée. Il a une vie publique. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, vous le déterminez. CPS au 6031 75 centimes. Le message, nom, prénom et adresse. On joue ensemble au qui est dit dans un instant. Faites-vous plaisir. On vous offre le jeu Docteur Panique sur la première. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire? Mi daresti la crema solare? Je t'enduis le dos? Te la spalmo sulla schiena? Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, ce samedi 16 juillet, moins 25% sur toute la peinture. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Arte Belgique est la première présente Beaux-Arts Expo. Avec Summer of Photography, Beaux-Arts zoom sur la relation entre humain et espace. Une biennale internationale à la découverte d'expos, lectures et ateliers dans plus de 20 lieux culturels à Bruxelles, du 17 juin au 4 septembre. Info Beaux-Arts. Beaux-Arts.be. Est-ce que vous allez bien? Bon festival cet été! Mais gardez votre voix pour The Voice. Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. La première. 16h31. On s'informe avec Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Les ostéopathes veulent être reconnus en tant que tels. La ministre de la Santé, Maggie de Blog, envisage de les reconnaître dans la loi qui encadre les pratiques non conventionnelles de la médecine, mais uniquement en seconde ligne, c'est-à-dire uniquement s'il y a eu prescription d'un médecin généraliste à la base. Aujourd'hui, une pétition de 50 000 signatures soutenant les ostéopathes a été remise à la ministre. On vous en reparlera dans le journal de 17h. C'était une erreur humaine. En Italie, après le terrible accident ferroviaire qui a fait 23 morts, un chef de gare a admis avoir donné le signal de départ à l'un des deux trains. Il a expliqué que les trains étaient en retard, que la confusion régnait, mais il a estimé aussi ne pas être l'unique responsable. Le parquet en charge de l'enquête veut d'ailleurs aller au-delà des responsabilités personnelles. Il pointe le manque d'infrastructures et plus largement les problèmes de corruption dans la région. Et si au lieu de toujours découper, on recollait certains morceaux? Plusieurs députés ou ministres ont laissé entendre ces derniers jours qu'il faudrait refédéraliser certaines compétences. Question d'efficacité, par exemple dans l'énergie, le climat ou la mobilité. Cela va à contre-courant de ce que l'on a l'habitude d'entendre, mais est-ce pour autant une bonne idée? Pierre-Yves Meugen s'en parlera avec ses invités dans CQFD à 17h45. Il recevra Christophe Dister, député wallon MR, et Devsy Nardet, politologue et professeur à la VUB. Merci Marie. Retour de l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Mickaël Albaz, Pexi, Eric de Starck, Vincent Flibus, ouais. Raoul Reyers vont faire des propositions à Michel qui nous vient de Profondeville. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? C'est Michel Dardenne. Ah ben, très bien. Ouais. Je suis sur l'île. Je suis sur l'île. Ah, prenez et vous, comment ça va? C'est Michel Dardenne. Oui, bah oui. Vous êtes de retour? Oui, c'est pas votre voix. Non, je suis sur l'île. Avec Elvis Presley. André Lamy, c'est vous. Jérôme de Warzé. Il y a un moment, je me dis, bon, tout est permis, on est en vacances. C'est possible. C'est pourquoi pas. C'est presque permis. Avec les ondes. Michel, j'ai sur ma fiche que vous êtes convalescent. Vous êtes convalescent dans quoi? Dans quel domaine? Je suis convalescent parce que voilà. Fabien Le Castel. Tous les gens qui sont sur l'île sont convalescents. Il faut bien le comprendre. Regardez. Michel, dites. Attendez, 30 secondes. Michel, c'est un pari? Vous êtes avec des amis? Pas ou... du tout. Parce que c'est gagné si c'est ça. Hein. Les propositions du jour. Il y a Bob Marley qui va tant pour aller fumer, là. Ah oui, mais le gars, vraiment. C'est Jean-Michel Javoux. Je ne sais pas qui c'est, mais. Ah, il mit très bien, mais Michel. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas qui c'est, mais Michel, vous m'intriguez, Michel. Je ne sais pas. Eh ben, tant mieux. Michel. Avant la dernière de l'émission, tout à l'heure, vous avez promis de surprise. Ça, c'est une surprise. Alors, hein, écoutez, c'est vrai. Alors, Michel écoute attentivement l'émission. Effectivement, j'ai promis qu'il allait y avoir une surprise demain et je vous l'annoncerai en fin d'émission. Ah, une résurrection en direct, c'est quand même pas mal. Ah oui, ça, c'est déjà une première. Oui. Rappelez-moi Jésus à partir de la saison prochaine. Et en attendant, mon cher Michel, voici la phrase du jour. Il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Voici les propositions du jour. À commencer par Pexi. Alors, c'est évidemment Franck Berton, l'avocat de Salah Abdeslam. En effet, il dénonce par cette phrase le dispositif de vidéosurveillance permanent de son client, qui, selon lui, porte atteinte à ses droits fondamentaux, bien évidemment. Franck Berton pour Pexi. Vincent Flibustier. Eh bien, il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. C'est quelqu'un de votre parti, Michel. C'est Jean-Charles Lupertot qui parlait de son Pokémon. Voilà. Jean-Charles Lupertot a installé Pokémon Go. C'est ça qu'il voulait dire. Raoul Reyers, il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. C'est très facile. C'est le coiffeur, c'est Olivier, là, le coiffeur de François Hollande. Olivier B. Oui, Olivier B. Olivier Brochine. Qui explique qu'on peut parler de ses cheveux parce que c'est un homme public et comme c'est un homme public, il n'a plus de vie privée. Olivier B. Il a un petit feu sur la langue, bien Olivier sûr. B. On va demander à Eric de Stark. Eh bien, c'est Paul-Émile Victor Junior, en lisant la conclusion du premier auditeur du Conseil d'État dénonçant l'illégalité de l'éviction d'Alain Hubert de la station polaire internationale. Il a dit très exactement, il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. Il a essayé de se construire un igloo en glace, ses panneaux solaires, mais on voit à travers, même quand il va aux toilettes. La situation est devenue insoutenable pour les phoques, pour nous et pour lui. Il est bien, le petit de Stark. Il est bien, il est bien. Il est bien, il est bien. Il ira loin. Et enfin, Michael Albas. Eh bien non, c'est Jean-Marc Morandini qui a déclaré ça sur le blog de Jean-Marc Morandini au sujet de Jean-Marc Morandini. C'est pas mal ça. Jean-Marc Morandini n'a plus de vie privée, il a une vie publique. Mon cher Michel, je vous rappelle les propositions. Nous avions Franck Berton, Jean-Charles Lupertot, Olivier B, hein, le coiffeur de François Hollande, Paul-Émile Victor Junior ou Jean-Marc Morandini qui aurait pu prononcer cette phrase « Il n'a plus de vie privée, il a une vie publique ». Ben, Lupertan, ça m'étonnerait, je l'ai toujours détesté, donc il a jamais suivi un conseil. Et il revient et en plus il règle des comptes. Ah, il règle des comptes. Ouais, ouais. On vous écoute, Michel. Ben, écoutez, vu ce que vous avez dit hier à propos de mon rendez-vous, je vais l'éliminer. Ouais. Je crois que je vais prendre l'avocat, là, le premier. Franck Berton, l'avocat de Salah Abdeslam. Mais effectivement, c'est gagné. Et effectivement, parce qu'il déclare qu'il n'a plus de vie privée, il a une vie publique. Salah Abdeslam est détenu donc à l'isolement, dans une cellule spécialement aménagée à la prison de Fleury-Mérogis. Il y vit sous la surveillance permanente d'une demi-douzaine de caméras. On dirait que c'est Secret Story, c'est vraiment ça. Un dispositif autorisé donc par un arrêté du gouvernement, mais dont il conteste la légalité. La décision du tribunal est attendue donc demain, vendredi. Mais il croyait que c'était Fort Boyard. Sors, prends la clé, prends la clé. Il n'a pas trouvé la clé. Je peux poser une petite question à Michel. Allez-y. Comment va c'est Jérôme? Ah, c'est Jérôme, il va bien. Il va fort bien. Il va fort bien. On ne le voit pas souvent. Il fait un peu bon d'appart. Mon cher Michel, restez comme vous êtes. Hein, changez absolument rien. Ivre. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, on vous envoie très rapidement ce jeu. Docteur Panique, ça vous ramènera peut-être à la vie. Hein, qui sait votre âme. Voilà, mon cher Michel, restez comme vous êtes. On va quand même rester, comme vous dites, presque sérieux. Je m'appelle Gérard. Je vais le gagner. Le pire, c'est que c'est vrai. Je m'appelle Gérard, mais ça fait un moment où j'avais envie de vous faire cette blague-là. Ah ouais, pas mal. C'est bien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, Gérard ou Michel, quel que soit votre prénom, on va vous demander une photocopie de votre carte d'identité pour être certain de vous envoyer le cadeau à la bonne adresse. Restez comme vous êtes. Changez rien. Et changez de voix, reprenez l'autre. Oui, reprenez l'autre. Restez comme vous êtes, restez surtout presque sérieux. Nous, dans la suite, on va continuer à s'intéresser à l'actualité avec, Michael Albas. On va parler comme de Monsieur voulez. Macron. Eh oui, c'est l'instant, c'est le moment, c'est tout de suite. Et sur l'autre chaîne, il y a Emmanuel. Dans un genre tout à fait différent, enfin classe X. On me dit, moi, je vais me coucher, pas toi. Je dis non, non. Oui, la présidentielle en France, hein, la présidentielle de 2017, pointe le bout de son nez et un homme semble se placer, sans vraiment le dire, à gauche comme à droite. Hein. On attend qu'il se décide et cet homme, c'est... Et oui, alors qu'en Angleterre, Madame May arrive en plein juillet et que Juno envoie ses premières images de Jupiter, et non, Johnny envoie ses premières images de Jupiter, ouais. Il y en a un autre qui se croit sorti de sa cuisse et qui se verrait bien promu avant l'heure. Non, je ne parle pas d'Hillary Clinton avec son brushing des feux de l'amour, mais d'Emmanuel Macron. Ce 14 juillet, l'Hexagone est sur son 31, comme la cote de popularité de Manuel Valls, tandis que Hollande, pour sa part, ne doit pas être dépaysé vu que c'est tous les jours sa fête. C'est la tendance en ce moment, hein, changer de tête pensante. D'ailleurs, vivement le prochain sommet européen que l'on puisse voir notre couple royal accueillir tout ce nouveau monde et serrer des mains. Philippe à Macron, Mathilde à May. Hein, la parité serait un peu plus respectée dans notre vieille Europe. Ouais. Mais tout cela n'est encore qu'une fiction. En réalité, il y a deux Emmanuel Macron. Celui qui est au gouvernement et qui défend l'action de ce dernier, et celui qui n'a pas envie d'attendre 2022 pour se tailler la part du lion. Avec Hollande, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais ils cohabitent. Car non, Emmanuel Macron n'est pas candidat pour 2017. Non, le meeting géant et les Macron présidents, scandés par la foule, ne sont pas des messages politiques. De même que le mouvement qu'il a créé n'est pas destiné à le mettre en avant, en marche avant. Jusqu'ici, ce qui rend Macron sympathique, c'est qu'il semble être différent. Mais depuis quelques semaines, il entre tout doucement dans le rang en enchaînant les meetings et les déclarations à l'emporte-pièce. Avec son parcours atypique, l'as de la gauche moderne ne se laisse pas encarter. Il semble faire passer ses convictions avant tout le reste, lui qui fut banquier d'affaires. Et oui, on sait tout sur tout le monde aujourd'hui grâce à Internet. Même le salaire du coiffeur de François Hollande. Presque 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que ce serait s'il avait des cheveux ? On y apprend aussi que la course à pied rend plus intelligent. Pourtant, avec le nombre d'imbéciles qui courent après la gloire, on pourrait penser le contraire. C'est bien ça le problème, la gloire. La politique est devenue un spectacle, un art dramatique. Et c'est désormais souvent le plus doué en comédie, celui qui arrive à promettre la lune sans jamais avoir payé le moindre croissant, qui paraît le plus beau et cartonne dans les urnes. L'ombre d'un remake Sarkozy fait surface et la France cherche son héros. Non, pas Jean-Marc. Elle cherche son Trudeau pour éviter le trou noir. Un homme fort qui pourrait peser de tout son poids à l'Europe, celle qui tergiverse avec le glyphosate et qui, grâce à Barroso, nous fait dire que si Goldman a quitté les enfoirés, ça n'empêche pas un enfoiré de rejoindre Goldman Sachs. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ça. Avec toutes ces polémiques, il ne faut pas s'étonner de voir émerger ceux qui veulent nous envoyer à la mer. Les Donald Trump, ceux dont on entend tout mais dont on n'attend rien. Les populistes font même de l'ombre aux extrémistes qui doivent s'adapter en devenant aussi simplistes qu'ils ne sont racistes. On laissera donc aux idéalistes les belles promesses et, dans le cas de Macron, les discours enflammés de l'écrivain Alexandre Jardin. Dans une telle pièce de théâtre, normal que Jardin fasse la cour. Mais tout de même, en tout cas, c'est bien d'y croire un peu, mais le risque, c'est qu'au final, Macron incarne le renouveau comme Hollande incarnait le changement. Si c'est le cas, ça va encore faire des déçus. Hollande rêvait de marcher dans les traces de Mitterrand, il est en fait dans les pas de Nagui. Parce que tout le monde veut prendre sa place. Quand on le critique, il dit taratata. Par contre, pour n'oublier pas les paroles, on repassera vu le nombre de promesses qu'il a réussi à ne pas tenir. Ah, c'est beau, Michael. Merci, il a du talent. Oh, il ira loin aussi. Oh ouais, il ira loin. En tout mais cas, comme vous saison êtes. Prochaine, il sera encore là. Il sera sur Pure FM. Il est sur la liste ou pas ? Oui, il est sur la liste. Allez, sur la liste. C'est vrai ? Formidable. D'accord, je veux bien. Ouais, merci, Michael Elbaz. Merci chronique que vous allez retrouver sur le site de La Première en podcastant l'émission du jour. Et dans la suite, justement, on jouera avec l'un ou l'une d'entre vous. Peut-être que Michel va nous rappeler avec une autre voix. Gérard. J'ai un ami qui fait très bien Charles Michel, qui appelle demain. on m'a dit par mail, tiens, c'est peut-être le réceptionniste de l'Élysée qui appelle pour faire une blague aussi. Pour lui. pour se venger. Pour se venger. En tout cas, faites comme Michel ou Gérard, ou peu importe votre prénom, n'hésitez pas, venez participer avec nous. Envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre une clé USB, 4 places pour le pass avec le presque joli dictionnaire, un mot et des définitions que nous vous proposerons dans la suite de C'est presque sérieux. C'est presque sérieux sur La Première. Walid, jusqu'à 17h30. Les soldes XXL sur Krefel.be. Commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La Première, Mobile Info. Et à 16h43, retrouvons Pierre Colarbovi. Oui, Pierre. Je peux essayer de prendre une grosse voix, mais on a toujours cet objet. On a un objet encombrant sur la N4 Luxembourg-Bruxelles à hauteur d'Arcin. C'est la bande de gauche qui est encombrée en direction de Bruxelles par un pare-choc. Une fois sur le ring de cette capitale, un camion en panne. C'est en circulation intérieure à hauteur d'Anderlecht au niveau de la fin des travaux. Le passage est donc logiquement difficile. Ça ralentit sur ce ring au titre Grand Bigard. Circulation intérieure 20 minutes perdues et en circulation extérieure Grand Bigard au titre, plus 15 minutes. Ça ralentit vers Ostende via le 40 au niveau d'Herpomer, plus 30 minutes et des répercussions sur la N9, plus 15 minutes vers Ostende donc. Et pour terminer, vous rappelez cet accident sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Lichtenbusch. Passage difficile, circulation ralentie en direction d'Aix-la-Chapelle. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. L'actualité, toute l'actualité et un mot justement issu de cette info, c'est le presque jeu dédico avec des définitions. Et pour jouer avec nous, bien direction Biesme, c'est bien ça ? Biesme. C'est bien ça. Ah bien, c'est Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Walid. C'est votre vrai prénom ? Oui, c'est le vrai cette fois-ci. Ben, je suis le frère de Michel Dardenne. Ah, d'accord. D'accord. Jean-Pierre, nous allons jouer avec un mot. Vous êtes agent SNCB, c'est bien ça, Jean-Pierre ? C'est ça, oui. Ah, et Pokémon et compagnie, aïe, aïe. Hein ? Parce que hein, les Pokémon à la SNCB, ça y va. Hein. Allô ? Ah bon ? Ah, vous étiez pas au courant ? Oui, je t'écoute. Ah non, vous étiez pas au courant. La SNCB encourage les gens à utiliser Pokémon Go. Ah oui, à la SNCB, on encourage beaucoup les gens à utiliser Pokémon Go. Pour attendre le train qui arrive en retard. Oh, arrêtez. Oh, ouais, ouais. Hey, je l'utilise, moi. Jean-Pierre, vous êtes en vacances pour le moment ou pas ? Non, je suis sur le chemin du retour. D'accord, non, mais pas tout de suite. Je vais projeter de partir en vacances. Où vous êtes, voilà, vous partez en vacances cet été ? Oui, nous allons au Portugal bientôt. Eh bien, on vous envoie très rapidement une clé USB aux couleurs de la radio et 4 places pour le pass, histoire de prolonger vos vacances. Mais une petite formalité pour vous, Jean-Pierre. Un mot, le mot du jour, le voici. Bisbee. Kézako. Des définitions, c'est parti, Bisby. On va demander à Vincent Flibustier. Eh bien, c'est quand on va au théâtre voir la pièce Un sac de billes. Si on a apprécié, à la fin, on crie Bisby. Ouais. Voilà. Ouais, ça arrive souvent. Tout simplement. Allez voir la pièce. Allez voir une pièce. C'est un roman encore. On s'est adapté en pièce également. Ah ouais. On va demander à Eric de Stark. Bisby, c'est la contraction de bicyclette et de billes. C'est le terme qui désigne un coureur cycliste qui a pris sa retraite et qui perd les pédales. C'est-à-dire, il a arrêté le vélo, mais il continue le dopage. Il n'a plus besoin de sa bécane, il se prend pour un vélo de course, et c'est pourquoi il déraille. Un cycliste qui perd les pédales pour Eric de Stark, Raoul Reyers. La bisbille est une oreillette à lieu commun que chaque homme politique a toujours sur lui pour gérer les réponses qu'il distillera lors des passages dans les médias. Il dispose ainsi d'une centaine d'expressions façon langue de bois qui le sortiront de toutes les situations. Michael Albas. Bisbee est le nom d'un Pokémon que l'on trouve uniquement en Angleterre, les jours impairs, et un impair à Londres, ses capitales. Un Pokémon. Et enfin, Pexi. Donc, une bisbille, c'est bien sûr une petite querelle pour des motifs insignifiants. Alors, petite querelle pour une Pexi. Quoi. Ouais, une bisbrouille, quoi. Ouais, un truc comme ça. Petite querelle pour... Bixby. Bill Bixby, bien sûr. On va demander à maintenant Jean-Pierre, justement, de déterminer parmi les définitions qu'on lui a proposées, celle qui lui semble être correcte. Aller voir dans une pièce, un cycliste qui perd les pédales, une oreillette, un Pokémon ou une petite querelle, mon cher Jean-Pierre, à votre avis ? J'éliminerai en tout cas le vélo, je pense. Oui. Si on en remplit la Tour de France. C'est vrai, vous avez raison, on élimine. La pièce de théâtre. La pièce de théâtre, on élimine. Il semblerait que ce serait bien une petite querelle, peut-être. Une petite querelle, vous avez raison, effectivement, c'est le mot du jour. Petite chicane. Ah, voilà, petite querelle insignifiante. Alors, pourquoi on parle de Bisbee dans la presse du jour, à votre avis, mon cher Jean-Pierre ? Est-ce que vous avez lu quelque part qu'il y avait des tensions entre des personnes de même famille qui n'ont pas envie de se voir à un moment précis, genre la semaine prochaine ? Le 21 juillet. Par exemple. C'est juste un exemple. Vous le voyez pas. La famille royale, par exemple. La famille royale, effectivement. Albert en froid, apparemment, avec Philippe. C'est un secret de polichinelle que le roi Albert est en froid avec le roi Philippe, à qui il reproche son manque de soutien lors de l'établissement de sa dotation par le précédent gouvernement d'Iroupo. Il lui en veut, donc il a décidé de boycotter le 21 juillet. À l'époque, Albert n'avait pas apprécié que le chèque de son départ à la retraite soit raboté et Philippe n'avait rien fait pour faire pencher la balance de son côté. C'est ce qu'on apprend, en tout cas, dans la presse du jour. Il n'y a pas que lui qui va être absent. Hein. Michel Dardenne. Moi aussi, lui, il est absent depuis un moment. Mais en tout cas, voilà, on verra un peu qui sera présent. On prendra les présences, on verra ça sur la une, le 21 juillet. Mathéo, t'es là ou pas? Mathéo, présent. Non, ils viennent pas, eux. Non, elle vient pas non plus. Elle en a marre. Bah, il y aura Laurent. Et encore, c'est pas. Mettre son uniforme. C'est pas sûr qu'ils viennent non plus. C'est bien nettoyé. S'ils sont pas là, pas de dotation. Ah voilà. Vous venez pas. Ça, c'est un bon. Ça, parce que c'est un peu leur métier, au fond. Ben oui, représenter le pays. Non, oui. Le 21 juillet, c'est le jour où ils bossent, en fait. C'est le jour du couronnement. C'est vrai, c'est ça. Mon cher Jean-Pierre, on vous envoie très rapidement une clé USB, 4 places pour le pass, histoire de passer un bel été. Et c'est tout ce que je vous souhaite, d'ailleurs, du côté du Portugal, puisque vous allez vous y rendre en vacances. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux, embrassez vos collègues de la SNCB. Ok, un grand merci à tous et à toute l'équipe. Et un petit slogan je SNCB, beaucoup. Avec le train, on va loin. Ça, c'est un slogan pour... Quand il vient. Et ça vient comme quand ça. Vient. Quand je... Moi, je trouve comme ça des slogans... Oui, mais moi, j'ai des slogans comme du slogan. Va loin. Va loin quand il vient. C'est vrai. Voilà. Eh oui, on peut y aller comme ça, on peut faire un livre là-dessus. Hein. On démarre sur une phrase, un slogan, et hop, on peut faire un bouquin. Tiens, on va accueillir une presque star tout de suite. De qui s'agit-il? Eh bien, ce sera à vous de déterminer. Vous me posez une série de questions. Je ne réponds que par oui ou par non. La voici, la presque star. C'est presque sérieux sur la première. Ah, ça sent les vacances, hein. C'est vrai que je vous le dis. Mais... qu'à un moment donné, quand vous avez la bouche qui dit autant de trucs comme ça, vous dites qu'il faut un peu réfléchir. Vous êtes toujours sur l'antenne, Walid. Ah. Oui, c'est ça. Quand la petite lumière rouge, c'est que vous pouvez parler. Je me disais bien qu'il y avait un stress. Mais oui, c'est voilà. Ça. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Bon, on va accueillir Anne qui est avec nous. Bonjour, Anne. Bonjour. Comment va-t-elle, Anne? Elle va bien? Mais très bien, très bien. Alors, on est en direct d'Avignon. On a entendu comme ça effectivement les petits grillons. On a entendu. J'adore. Cigales. Cigales. Vous entendez des cigales, vous? Grillons. Il fait magnifique, 32 degrés ici. Voilà. Ouais. Bon. Voilà, c'était pour ça que vous étiez notre presque star. Voilà. Anne, si on parle de vous, bien on va le découvrir dans un instant. C'est pour une raison en particulier, puisque vous faites parler de vous dans la presse. 2 minutes pour tenter de découvrir la raison pour laquelle on parle de Anne. Est-ce que Anne est à Avignon? Écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Est-ce que Anne monte la pièce un sac de billes? Non. Non. Est-ce qu'elle s'appelle Anne-Cécile? Anne-Cécile, absolument pas. Mais vous pensiez à qui? Anne-Cécile Van Dalem. Ah. Qui présente Tristesse et qui fait un carton à Paris. Voilà. Comment... Ah, à Avignon. Comment... À Paris aussi, bientôt. Voilà. Et est-ce qu'elle s'appelle Anne Boulanger? Pourquoi vous dites ça? C'est ma dentiste. Ah. Elle est à Avignon actuellement. Je ne sais pas. Je ne connais pas son agenda. J'ai envie de vous dire. Elle est artiste. Elle est artiste. Elle est comédienne. Comédienne. Est-ce qu'elle met en scène? Elle met en scène. Est-ce qu'elle fait un seul en scène? Elle excelle dans de nombreuses disciplines artistiques. La danse. Entre autres. La bande dessinée. Ça, je n'ai pas vu dessiner. Non, le théâtre. Le chant. Le chant aussi. L'humour. C'est un opéra. Bon, elle chante un spectacle à Avignon. Le chant, surtout pour le moment. C'est en tout cas une des raisons pour lesquelles. Comédie musicale. Vous dites une quoi? Une comédie musicale. Non. Elle joue dans un théâtre ou dans la rue? Avant, on va lui poser la question. Vous jouez dans un théâtre ou dans la rue, Anne? Alors, je joue dans un théâtre. Mais c'est tout. Mais qui est dans la rue? Ce n'est pas la raison pour laquelle on parle de théâtre. Est-ce que c'est au théâtre des dons? Ah non. Un théâtre pour sourds et malentendants. Non, c'est en Belgique que ça se passe. Bon, là, elle est partie à Avignon. Elle joue pas à Avignon. Ah non, elle ne joue pas. Elle joue à Avignon, c'est pour ça qu'elle doit être là. Elle nous mène en bateau alors. Alors elle est capitaine. Je ne comprends plus rien. Attendez, on va faire une petite parenthèse. Vous faites quoi exactement à Avignon, ma chère Anne? Je suis en vacances. Je joue dans une pièce que j'ai créée avec trois collègues comédiennes qui s'appelle Le Cirque des Femmes. Ah, j'ai entendu parler. Ah, c'est super. Le Cirque des Femmes. Ouais. Alors, voilà. Vous l'avez créée à la Samaritaine. Mais tout à fait. Et on va la jouer du 27 septembre au 8 octobre à la Samaritaine. Alors, exact. Pour quelle raison on parle de Anne? Est-ce que vous la resituez maintenant un peu plus? C'est celle qui a fait le clip devant l'Atomium. Bravo. Voilà. Ah, bravo. Voilà, effectivement. Anne Vandenplas, membre de ce groupe hein, qui a fait le buzz depuis ces derniers jours. Effectivement, le membre du groupe Girls Next Door, interprète de cette chanson, la chanson Atomium. Alors beaucoup se posent plein de questions. Moi le premier, je me dis, bon, c'est un délire, est-ce que c'est pour dénoncer quelque chose, est-ce que c'est pour faire la promotion de l'atomium? C'est autant de questions que j'ai envie de vous poser, ma chère Anne, et vous êtes là pour y répondre. D'abord, ça part d'un délire, c'est bien ça? Mais oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré Evelyne à l'improvisation théâtrale, et donc c'est devenu une amie, elle est comédienne, moi aussi, et donc voilà, on a envie de travailler ensemble, on aime bien tout ce qui est un peu décalé, voilà, j'ai chanté dans le passé aussi, donc on s'est dit, ben voilà, on va faire une chanson décalée, on a cherché le sujet, et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'atomium, en fait, personne n'a jamais chanté sur l'atomium, voilà. Et donc, c'est parti comme ça, et puis quand on a réalisé la chanson, on s'est dit que si on faisait pas le clip, on n'allait pas au bout de notre délire, en fait. Mm-hmm. Il fallait vraiment faire le clip pour illustrer ce qu'on avait dans la tête. Mm-hmm. Et donc, on a trouvé un super réalisateur qui est Noé, qui a vraiment fait un chouette boulot, quoi, parce que ça illustre bien le côté décalé et kitsch de la chanson, très 80s. Voilà, on s'est bien amusé. D'ailleurs, on remercie vraiment l'Atomium pour toute l'organisation. Mais justement, c'était dans quel but au départ? C'était juste pour vous amuser ou c'était parce qu'il y avait... Est-ce que maintenant, le morceau est récupéré pour faire la promotion de l'Atomium, par exemple? Écoutez, forcément, voilà, l'Atomium était d'accord pour nous laisser tourner, mais il fallait citer au moins 20 fois Atomium dans le morceau. Placement produit, c'est ça. Mais simplement, ils demandaient de le passer sur leur Facebook, mais c'était vraiment le seul deal concret qu'on avait. Je pense pas du tout que eux, et d'ailleurs nous non plus. Enfin, moi, je vis tout ça en direct d'Avignon ici, c'est assez délirant. Hein, je veux dire, c'est complètement délirant. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, et Evelyne non plus. On est les premières surprises. On espérait bien sûr que voilà, les gens allaient rire, ils allaient en parler. Mais alors c'est vrai qu'il y a des délires comme ça qu'on peut faire entre nous. On se dit, bon bah voilà, on a envie juste de s'amuser, c'est pas sérieux, on a envie de se faire plaisir entre copains, copines, on se fait un petit clip, un petit kiff comme on dit. Mais moi j'étais persuadé à un moment donné que c'était une commande de l'Atomium pour faire le buzz et qu'on parle de l'Atomium pour faire venir des gens faire des visites. Non, mais je vous promets qu'au départ j'étais... un peu plus sérieux, j'imagine. Non, c'est peut-être le cas, pour faire le buzz, vous pouvez... Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne peut pas prendre de photos de l'Atomium, c'est terriblement interdit. Et d'un autre côté, elles ont pu faire un clip sans problème. C'est bien pour vous, ça? Oui, mais c'était le deal, justement, qu'ils puissent le passer, parce que eux aussi, forcément, ils espéraient que ça leur promo, passe. Ouais. De la promo, mais ce n'est absolument pas une idée de l'Atomium. C'est vraiment nous qui sommes venus. Ça a pris d'ailleurs un petit peu de temps, parce qu'au début, bon, vous pensez bien qu'il y a des tas de demandes de personnes qui veulent venir tourner à l'Atomium. Donc, je veux dire, il a fallu faire un peu nos preuves. Puis, ils ont eu un coup de cœur sur la chanson aussi. Et pour la phase B, c'est Mannequin Peace. Non. On va faire quelque chose sur tous les... Mais en tout cas, j'ai un conseil à vous faire, ma chère Anne, c'est de négocier maintenant un pourcentage sur les entrées de l'Atomium. Hein. Vous allez peut-être gagner un peu plus d'argent qu'avec la chanson aujourd'hui. Ah oui, on ne vend plus, on ne vend plus de disques, mais en tout cas, le délire est assez sympathique pour être souligné. Vous étiez notre presque star du jour. Festival d'Avignon, ma chère Anne. Et à très vite dans la suite. Vous jouez où et à quelle heure à Avignon? À 17h et on revient pour la suite de ces presque sérieux. Le beau vélo de Ravel en partenariat avec Engie Electrabel. Rendez-vous samedi à Vielsalm pour une balade sympa autour du lac des Doyards et un bain de chlorophylle géant dans nos forêts d'Ardennes. À l'arrivée, showcase exceptionnel au domaine de Farnières avec Laura de The Voice, Mister Cover et Dave. Info inscription rtbf.be/lebeauvélo. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Bon, chérie, si je te dis au bon repos, tu me dis... Oh, des prix exceptionnels sur les plus grandes marques de literie et les chambres à coucher. Et sur le linge de maison et la déco. Et aussi sur les canapés, les relax, les tables et les chaises. Mm-hmm. Les soldes du bon repos, on y va? Oh oui, merci chérie. Les soldes du bon repos, c'est jusqu'au 31 juillet. Et la livraison et le montage sont gratuits. Au bon repos, en toute confiance depuis plus d'un siècle. Au bonrepos.be, 10 place de la Chapelle, au cœur de Bruxelles. Parking privé. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Litry. Expert Litry, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Litry, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Litry à Wavre, La Hulpe, Wautier-Braine, Jonblou et sur expertlitry.be. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Litry. La Première présente le 37e festival Jazz and Blues de Gouvy, du 5 au 7 août à la ferme Madelon à Sterpigny-Gouvy. Vendredi et samedi, jazz pour tous, avec Maceo Parker, Lisa Simone et bien d'autres. Et dimanche, la grande parade du blues, avec notamment Justina Lee Brown, Sugar Ray Rayford Band, Nico Duportal. Plus d'infos, madelon.gouvy.eu. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La météo. Bonne fin de journée à tous. Encore quelques averses à prévoir ce soir pour le sud du pays. Et puis on reviendra un temps calme et sec la nuit prochaine. Très frais aussi. 5 à 7 degrés seulement dans les vallées de l'Ardenne avec des bancs de brume ou de brouillard. 9 à 10 degrés sur le centre du pays. Demain matin, les éclaircies vont commencer à se développer. L'après-midi, le soleil sera plus marqué près du littoral. Nuages et éclaircies ailleurs. On risque toujours une petite averse sur les reliefs, mais de manière isolée. Température de 17 à 21 degrés. Le temps sec se confirme samedi et dimanche, avec des maxima en hausse. Dimanche, on devrait se situer entre 20 et localement 25 degrés. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Faudra-t-il bientôt une prescription médicale pour se rendre chez un ostéo? C'est l'une des pistes envisagées par la ministre fédérale de la Santé. Maggie de Blog veut réviser la loi qui encadre l'ostéopathie. Une délégation s'est rendue à son cabinet avec une pétition. Theresa May, la nouvelle première ministre britannique, a composé son gouvernement. David Davis sera le ministre chargé de gérer le Brexit. Un divorce qu'il faudra organiser sans précipitation, plaide le commissaire européen démissionnaire Jonathan Hill. Y a-t-il des difficultés particulières sur les routes? On voit ça avec Antoine Binamé. Et oui, des difficultés sur l'E40 Bruxelles-Ostende au niveau d'Herpemer. Les travaux, vous perdez une trentaine de minutes vers la côte avec des répercussions sur la N9 venant de Bruxelles depuis Wetteren. 15 minutes perdues également vers Ostende. Une pétition de 50 000 signatures déposée au cabinet de Maggie de Bloch. Les ostéopathes sont toujours très remontés contre la ministre de la Santé. Elle souhaite modifier la loi qui régit la pratique de l'ostéopathie. Alors parmi les pistes envisagées, la visite obligatoire chez un médecin généraliste avant de consulter un ostéopathe. Cette idée est loin de faire l'unanimité dans la profession. Sur ce qui coince entre les ostéos et Maggie de Bloch, écoutez les explications de Frédéric Burnot. C'est le vice-président du groupement national des professionnels de l'ostéopathie. Il n'y a pas une plus-value indispensable à aller d'abord chez son médecin. Parce que l'ostéopathe pourra plus vite percevoir si la pathologie qu'il doit soigner n'entre pas dans son cadre de compétences, que le médecin qui a un large spectre de pathologies à analyser. Et ça met plus de temps pour le médecin à se dire « tiens, ça relève de l'ostéopathie » que pour l'ostéopathe de dire « tiens, ça relève de la médecine ». On supprime au patient le libre choix thérapeutique du patient. Le patient a le droit de pouvoir choisir la personne qui lui convient le mieux pour le traiter. Et s'il passe par le médecin à chaque fois, il y a des médecins qui collaborent très bien avec les ostéopathes, mais il y en a aussi qui ne savent pas ce qu'on fait. Et donc, dans le doute, dans la méconnaissance de ce qui se passe, non, non, faites pas ça, on verra autre chose. Mais ici, on doit reconnaître qu'on a eu un bon contact, qu'on a été bien accueilli, que le contact est resté courtois, sauf dès qu'on parle de prescription. Là, on voit qu'on n'a pas la possibilité de négocier, parce que pour eux, c'est non négociable, pour nous, c'est non négociable. Ils ont dit qu'ils allaient étudier tous les arguments, mais qu'à leur avis, pour l'instant, ils ne voulaient pas comment ils pourraient passer au-dessus de cette prescription. Bon, qui serait une prescription longue durée, une prescription annuelle. Le patient ne devrait pas aller chaque fois chez son médecin, il irait une fois par an. Pour nous, c'est déjà de trop. Une interview de Tidiem Kouach. Plus de juges d'instruction à la tête des enquêtes. Mais alors, qui les dirigerait? Ce serait le ministère public, autrement dit les magistrats du parquet. Toutes les enquêtes seraient menées sous la direction du parquet. C'est ce que recommande un rapport d'experts. Son but, plus d'uniformité avec un et un seul système, alors que plusieurs façons de procéder coexistent pour l'instant. C'est le débat qui est donc lancé sur la fonction du juge d'instruction. Certains parlent même de disparition de ces juges dont le rôle serait repris par le parquet. Mais le ministre de la Justice réfute Koengens cet après-midi au sujet de cette proposition des experts. Il s'exprimait au Parlement. Ce sont des avis qui ont été donnés. Et pour ce qui concerne le juge d'instruction, il ne disparaît dans leur proposition, dans leur avis, pas du tout. Il sera toujours celui qui autorise toutes les mesures d'enquête spécifiques, comme la perquisition, comme l'écoute téléphonique, etc. Il donne pour l'instant, dans leur avis, la préférence à l'unité de l'enquête. Ça a des avantages au niveau de l'inégalité de traitement qui existe pour l'instant entre les cas où il y a une enquête sous la direction du juge d'instruction et les cas où cela ne se fait pas. Les experts ont fait leur choix. Si ça sera le choix du gouvernement, vous le saurez bientôt, mais les discussions n'ont que démarré. Kungin cet après-midi au Parlement, propos recueillis par Fabien Van Eekhout. Certains élus de l'Open VLD se sont exprimés cette semaine en faveur d'une refédéralisation de certaines matières, notamment le vice-premier libéral flamand Alexander De Croo, qui va dans ce sens pour les compétences telles que la sécurité ou encore la mobilité. Ce jeudi, deux députés proposent aussi de réorganiser l'État pour qu'il soit plus efficace. Alors, faut-il désormais recentraliser certaines matières? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première. Vous pouvez réagir au 02 737 33 33, envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin1. Fin de parcours pour le Britannique Jonathan Hill à la Commission européenne. C'est l'une des victimes du référendum sur le Brexit. Le commissaire en charge de la régulation des services financiers avait décidé de démissionner au lendemain de la victoire du camp favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un vote qui avait profondément déçu Jonathan Hill, Sandro Calderon. Il y a deux ans, Jonathan Hill était arrivé à Bruxelles en tant qu'eurosceptique. Aujourd'hui, il repart convaincu qu'en dépit des frustrations, l'appartenance de son pays à l'Union était bonne pour la place des Britanniques dans le monde et pour leur économie. Mais voilà, le peuple britannique a parlé, il faut donc l'écouter. Le vote a eu lieu, donc l'action la plus intelligente est maintenant de mettre en œuvre cette décision le mieux possible. Au bout du compte, il faudra une solution qui permettra aux Britanniques et aux 27 de bénéficier d'économies fortes qui génèrent de la croissance et des emplois. Jonathan Hill parti, le poste de commissaire britannique va revenir à Julian King, actuel ambassadeur britannique à Paris, mais qui connaît bien l'Union européenne. Le président de la commission, Jean-Claude Juncker, doit lui attribuer un portefeuille d'ici la fin du mois, mais ce ne seront pas les services financiers, un portefeuille trop important pour le représentant d'un État qui va bientôt quitter l'Union. Quant à Jonathan Hill, il est resté vague sur son futur proche. D'abord, il compte jardiner et lire des livres d'histoire plutôt que d'horribles règlements financiers, une expression qu'il a lui-même employée, une touche d'humour très british. Quant à Theresa May, la nouvelle première ministre britannique, elle s'est empressée de nommer les principaux ministres de son gouvernement. On y retrouve des ténors de la campagne pour le Brexit. Signe de l'immense tâche qui attend son gouvernement, la chef du gouvernement a créé un ministère entièrement dédié au Brexit, dont David Davis, un ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, aura la charge. Mais c'est l'arrivée de Boris Johnson aux affaires étrangères qui crée la plus grande surprise de ce gouvernement. La nomination du principal meneur des pro-Brexit pendant la campagne pour le référendum a immédiatement suscité sarcasme et critiques en Europe. C'est un Belge qui a remporté la 12e étape du Tour de France entre Montpellier et Chalais-Reynard. Bonsoir Pierre Capard. Bonsoir Diane. Et c'est Thomas Degen qui s'offre le Mont Ventoux et le maillot à pois. Effectivement, on va en reparler dans quelques instants parce que après cette victoire, il y a aussi eu un événement qui a marqué, qui va marquer l'histoire du Tour de France avec la chute de Chris Froome, le maillot jaune sur les pentes du Mont Ventoux. Une chute certes à cause de supporters surexcités, mais le Britannique a ensuite terminé l'étape sans vélo, en courant, c'est du jamais vu sur les pentes du Mont Ventoux. Une situation surréaliste qui va marquer l'histoire du Tour de France. Il faudra voir aussi ce que le règlement prévoit dans ces cas-là, mais ça va bouleverser effectivement ce Tour 2016, d'ores et déjà au classement provisoire, hein, c'est Adam Yates, l'Australien, qui prend le maillot jaune. Il devance le Néerlandais Bauke Mollema et le Colombien Nairo Quintana. Grosse déception donc pour Chris Froome qui aurait dû conforter son maillot jaune de leader. Bref, une situation surréaliste. À part cela, eh bien effectivement, il y a la victoire de Thomas de Gent, l'anversois de l'équipe Lotto Soudal, qui s'est imposé devant un autre Belge ici au Mont Ventoux, Serge Pauwels de la formation Dimension Data, donc un duo de Belges belge aux deux premières places pour cette étape prestigieuse du Mont Ventoux, une étape prestigieuse est assez surréaliste, comme je vous le disais tout à l'heure, avec, rappelons-le, donc la chute du maillot jaune, Chris Froome, qui a terminé à pied et qui a franchi la ligne d'arrivée à pied avec son vélo sur son dos. Voilà, Chris Froome, désappointé évidemment après cette étape. Et oui, donc une deuxième étape tout à fait inhabituelle. Merci Pierre. Pierre Capard, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, il est 17h08. Merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Et sur la première à 7h06, c'est évidemment toujours presque sérieux. Effectivement, dernière ligne droite d'ici à 17h30, on vous accompagne, nous sommes presque sérieux avant le retour de l'information sérieuse, 17h30, soir première. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Et avant-dernière de la saison, avant de faire le bilan demain. Hein. Demain, une émission spéciale avec des surprises. Et demain, de la musique, il y aura en or. Ah. Des licenciements. Ah. Pour tout et vous. Non, c'est pas le genre de la maison, vous savez. Mais c'est pour rire. Vous vous imaginez le truc. Mais presque c'est quatre. Alors, vous vous souvenez de Baby Chouchou? Ah ouais. Oui, ah oui. Baby Chouchou. Baby Chouchou sera des nôtres. Ah. Super. Vous savez pas qui c'est? J'aime la Wallonie. Je l'ai dans la tête depuis la semaine. Et demain, je mettrai au défi des personnalités. Donc, restez à l'écoute. Demain, il va y avoir une émission très spéciale avec un groupe également que j'affectionne particulièrement, Chico et Mendes. J'ai pu voir au Solidarité. Ils viennent avec leur caravane. depuis deux jours, Raoul me dit j'ai l'impression d'avoir les Gypsy Kings qui vont venir. Non, c'est le groupe négatif ne pourra pas venir. Pour quelle raison? Bon, ils sont un peu empêchés. Et donc, voilà, émission où on fera le bilan de cette année écoulée, de l'actualité qui a marqué cette saison, parfois drôle, parfois triste. Et l'actualité, on va continuer à en parler jusqu'à 17h30 avec autour de cette table Mickaël Albas. Bonjour Olivier. Il y a Pexi. Il y a Eric de Starck. Eric de Starck, vous nous poserez une question à laquelle vous allez tenter de répondre justement. Oui. Ce sera quoi la question? Eh bien, comment gérer un amour de vacances? Ah, justement. Ah. Bientôt les vacances, donc c'est la question qu'il faut se poser. Il y a Vincent Flibussier qui, lui, nous posera une question. Quelle est l'histoire vraie qu'il nous proposera dans un instant? Ah oui! Il y a Raoul Reyers. Et oui, toujours. Toujours aussi enthousiaste. Et Laurent de Hossé. C'est presque sérieux. C'est la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hé, hey, Houston, on a un problème ici. Rendez-vous demain pour terminer la semaine avec Laurent Dehaussay dans Un jour dans l'histoire entre 13h30 et 14h30 sur la première. Il sera question des origines de la civilisation aztèque. Alors aujourd'hui, 14 juillet, forcément, vous savez de quoi il en retourne? Oui. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a 14 juillet? Le feu d'artifice? À Liège. Oui, à Liège. Hein. Ah, les Liégeois sont... Et alors, c'était bien de regarder le cortège? Non, non, j'ai écouté attentivement le discours de François Hollande. Ah oui, d'accord. Ah, c'était assez cocasse, assez drôle. C'était du François Hollande. Ah, du François Hollande, hein, du début jusqu'à la fin, c'était parfait. Par contre, en rapport justement avec le 14 juillet, une question signée Laurent Dehaussay. Quel était le titre original de la Marseillaise? Alors, est-ce que vous le savez? C'est la prise de la Bastille. Non, c'est Rouget de Lille qui l'a écrit. C'est Rouget de Lille qui l'a écrit, mais au départ, elle n'était pas censée s'appeler la Marseillaise. Elle est devenue la Marseillaise bien après, mais au départ... Elle a été écrite à Strasbourg, donc c'est la Strasbourgeoise. Alors, à votre avis? La Marianne. La Marianne, non. Non, c'est... Lettre à France. Non. Ah non, c'était pour tout à fait autre chose, c'est vrai. Alors, si je dis chant... C'est le chant des partisans. Le chant de la patrie. Chant des... Chant de... Chant de Mars. Non. Chant de Élysée. Chant de pommes de terre. Non. Chant de maïs. C'est chant... Chant de guerre. Chant des patriotes. Mmh. Chant de guerre, mais pour qui? Pour Napoléon. Non. Pour les Chouans. Alors, c'était chant de guerre pour l'armée du Rhin. Oui. C'était le titre original de la Marseillaise. On le sait. Non, c'était trop long et ça n'a pas marché. Rouget de Lille qui a écrit cette chanson dans la nuit du 25 au 26 avril. Elle a été remixée par lui-même, hein, officier du génie en poste à Strasbourg. Alors elle a été interdite durant le premier, le second empire, et elle sera définitivement proclamée hymne national en 1879. Mais le 14 juillet 1789, eh bien, on assiste à la prise de la Bastille. Ah, la Bastille. à Bastille. Et cette fameuse clé qui n'est plus à Paris, elle est où cette clé, la clé de la Bastille? C'est un mouton aux îles Féroé? Non. Elle est aux States. C'est la Fayette. La clé de la Bastille, prise donc par les révolutionnaires en 1789, se trouve aujourd'hui aux États-Unis dans la maison de George Washington. Après la Révolution. Il habite toujours cette maison, George Washington? Non, il la loue. Parti sur l'essai d'adresse. Il faudrait qu'il la rende. Il la loue. Mais donc, c'est Lafayette. Faut pas parler de type comme ça. Tout d'un coup, il y a un auditeur qui va téléphoner en se faisant passer pour George Washington. C'est ça. Alors, Lafayette était alors à la tête de la garde nationale et il l'a remis à George Washington. Il l'a envoyé, en tout cas, à son ami, mentor, George Washington, comme symbole de la victoire de la liberté sur le despotisme. Et dans certains pays africains, vous savez que le 14 juillet a une particularité. C'est un prénom qu'on donne aux enfants qui naissent ce jour-là. Qu'on appelle comment ? Clé. Fête-Nat. Effectivement, Fête-Nat, hein, comme certains jours. Mais c'est une légende, ça, non ? Non, il y en a énormément. J'ai un ami qui s'appelle Fête-Nat. J'ai toujours cru que c'était une légende. J'ai un ami qui s'appelle Congé Payé. Voilà. Vous savez, il n'y a pas que vous. Par contre, c'est tout à fait plausible. Par contre, Vincent, vous avez des histoires pour nous, c'est parti. Oui, l'histoire de Fête-Nat, Congé Payé. Bonjour, messieurs Vincent. Alors, on vous écoute. Eh bien, aujourd'hui, vu qu'il fait beau, parlons bière. Et sachez qu'au Japon, il est indiqué alcool en braille sur les canettes de boissons alcoolisées afin que les aveugles n'achètent pas de la bière sans le savoir, en confondant. Parce que quand on est non-voyant, c'est déjà pas facile de circuler, alors si en plus on est bourré. Le problème, c'est que alcool en braille japonais s'écrit quasiment comme banane. Et du coup, on a découvert très récemment que 95% des aveugles japonais ne mangeaient jamais de banane et avaient donc un grave déficit en potassium. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet d'aveuglement quand on cherche à résoudre un problème mais qu'on ferme les yeux sur les conséquences de la résolution du problème initial. C'est long, ça. Ouais, c'est pas mal, ça, comme histoire. On a envie d'y croire. Mais ça n'a aucun sens. Tu touches une canette, d'accord. Ouais. Mais tu touches une banane. C'est une canette. Ils peuvent se dire qu'il y a de l'alcool dans la banane. Ils sont un peu, ils sont pas cons. Écoutez, je n'ai jamais raconté de l'aveugle. Attendez. N'empêche pas l'autre. On va écouter la seconde histoire et on pourra se foutre de sa gueule après. Vous vous foutez de moi, la deuxième est encore pire. Eh bien, la une du jour, mon cher Walid, c'est une étude qui va intéresser plus d'un auditeur, puisque c'est un véritable drame. Si je vous dis bière irlandaise, vous me dites... Guinness. Oui, fraîcheur. Bonheur. Eh bien, sachez que chaque année, 162 000 Guinness sont gaspillés, perdus, ne seront jamais bus. Horreur, terreur. 40 000 litres de Guinness qui ne seront pas dégustés. Malheur, marteau-piqueur. Mais pourquoi ? Eh bien, à cause des moustaches qui capturent la mousse de cette bière. Et cette mousse est donc en partie essuyée et donc perdue à tout jamais. Et une étude anglaise a comptabilisé toutes ces bières gaspillées au litre près. Parce que c'est pas parce qu'on quitte l'UE qu'on arrête de faire des études à la con. Eh ben voilà. L'alcool en braille sur les bières au Japon, ou cette étude autour des bières irlandaises. Santé, hein, si vous prenez le volant, bien sûr. Deux histoires. L'une d'entre elles est vraie. Laquelle ? Pexi. La bière irlandaise. La bière irlandaise. La seconde, Raoul Reyers. La Guinness. Hein. La Guinness, la seconde. Eric de Stark. Moi, je veux bien croire la première, mais je ne veux pas croire que les aveugles japonais confondent une canette avec une banane. Je ne crois que je ne vois. Et je m'y oppose. Notre cela dit, on a peut-être fait croire que la banane, c'était une canette. Ils n'ont quand même jamais vu. C'est la caméra cachée du ciel. Il y a les aveugles de naissance et puis il y a ceux qui deviennent aveugles. Ceux-là, ils ont quand même le souvenir de ce que c'était la banane. C'est ça. Michael Albanais. Et ça peut terminer par des viols. La banane, c'est une canette, t'inquiète. La banane. Alors, Vincent, roulement de tambour. Je ne dirai plus rien après Eric qui nous parle du viol avec les canettes chez les aveugles japonais. Alors, on écoute l'histoire vraie du jour. Vincent, voilà. Non. Ben oui, Eric, effectivement, en l'écrivant, c'est effectivement complètement con. J'avais oublié de penser au fait qu'une banane, ça ressemble pas du tout à une canette. Écoutez, ça arrive, c'est la fin de saison. Je me sens vraiment con. Il paraît que les singes boivent de la bière au Japon. Ils sont bourrés tout le temps. Par contre, les buveurs de Guinness gaspillent bien en moyenne 162 719 pintes chaque année à cause de leur moustache. Et le calcul est simple et précis. Il y a en moyenne 92 370 buveurs de Guinness à la moustache et la barbe au Royaume-Uni. Chacun buvant en moyenne 180 bières par an. On considère la perte dans la moustache à 423 000 livres sterling. Le chercheur Robert Dover, spécialiste en sciences du poil, a analysé que lui, le poil pouvait retenir 20% de son propre poids en liquide, mais que la majorité du liquide était retenu entre les fibres des poils. On considère qu'un buveur boit sa Guinness en moyenne en 10 gorgées, chaque gorgée retenant 0,56 ml de bière dans la moustache. Vincent, excusez-moi, à 30 secondes, vous nous avez déjà saoulés là. C'est ça. Les moustaches des Européens. C'est ça, ouais. Il m'en reste un peu, vous en voulez. J'attendais que vous me coupiez. C'est 10 pennies. Allez, à 17h18, on revient dans quelques minutes avec la suite de l'info revue et corrigée. Une info de manière générale, c'est l'amour. Oui, l'amour et les vacances. C'est l'amour. C'est associé, oui. Vous avez 15-16 ans. On a tous eu ce fameux amour de vacances. On s'en souviendra dans un instant avec Eric de Star qui se pose une question. Comment gérer un amour de vacances ? On ira où tu voudras, quand tu voudras. C'est presque sérieux sur la première. Dis le vos. Où est l'émence ? Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça ? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche un bernès. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade ? Oui, grillon ! Oui ! La bernès qui donne du goût aux grillades. La voilà ! De vos l'émence. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals. Nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be, car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Faites-vous plaisir. Elle est pas belle la vie ? Chez Bricoplanit, ce samedi 16 juillet, moins 25% sur toute la peinture. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. On est au Franco. Vivez les Francofolies de Spa avec Télépro. Télépro vous fixe rendez-vous du 20 au 23 juillet au cœur de la ville d'Eau pour une expérience photo avec à la clé de très nombreux cadeaux. Venez vivre des Francofolies et de folies avec Télépro. Télépro, chaque mercredi en librairie. Tu l'as lu, t'as tout vu. La première, Mobile Info. Il y a 17h20, c'est le moment de faire un point sur vos conditions de circulation avec Pierre Collard-Bovy. toujours lui. Avec des ralentissements habituels en circulation extérieure. Grand Bigard au titre, vous perdez une quinzaine de minutes. Des ralentissements aussi sur le 40, Bruxelles-Ostende, au niveau de Herpemer, 13 km de file, 30 minutes perdues, avec des répercussions sur la N9 depuis Wetteren, 15 minutes perdues, le tout bien sûr en direction d'Ostende. Bonne nouvelle, chaussée dégagée sur le 40, Liège Aix-la-Chapelle au niveau de Lichtenbusch, passage dégagé vers Aix-la-Chapelle. Et vous rappelez cet accident sur la N40 Beaumont-Philippeville à hauteur de Silan-Rieux, pardon. Chaussée fermée dans les deux directions, déviation locale mise en place. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Ah, on a tous ou presque en tête cette chanson. Hein. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on... Vous vous souvenez de ça ou pas ? Non. On n'était pas nés. Mais écoutez, je dois être le seul. David et Jonathan. Et c'est qui ? C'est David et Jonathan. Mais écoutez, je ne sais plus qui chantait cette chanson, mais en tout cas, elle est restée dans ma tête. Je me souviens de Véronique Jeannot. Avec un peu de chance, ils viendront de même. Avec un peu de chance. Mon cher Eric de Stark, c'est comment... Christophe Ripper. Ah, bah oui, c'est vrai. Que tout le monde a retenu. Alors, je vais vous dire ce qu'il faisait, parce que j'ai honte maintenant que vous m'en connaissez en plus. Non, Christophe Ripper, alors c'est lui qui jouait dans Premier Baiser. Elle est des garçons, autant pour moi. Oui. Ouais, je comprends pourquoi je ne savais pas. Mais on a de la culture. J'avais. Voilà, c'était l'époque où je. Merde. Ça aurait mieux fait de vous taire. Hein. C'est un amour de vacances. Comment gérer un amour de vacances ? L'été revenu, la chaleur, l'instinct de liberté, un cocktail, l'appel du large, la montée de la sève. Enfin, c'est incroyable comme cette saison peut aiguiser les sens, stimuler les passions et accroître le désir. Oui, mais encore faut-il pouvoir gérer ces transports amoureux avec élégance. Bonsoir. J'ai vu ton pareo tout à l'heure sur la plage. Il m'a tout de suite donné envie de te connaître. Je viens souvent ici. J'ai été maître nageur. Enfin, j'ai un ami qui était maître nageur. On dirait du bosque. Enfin, je veux dire que je sais nager. Enfin, quand j'ai pied. Ça te dit un bain de minuit? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Deiam en paz, que arruinez la puesta del sol. Ah oui, le sol, c'est du sable. C'est beau. C'est fin, le sable. Tu aimes le sable? Quoi? Digo emergé. Oui, la digue est immergée. Et c'est beau. Non, dégage, je t'ai dit. Ah bon, ça va, si tu n'aimes pas le romantisme, tu n'en dégoûtes pas les autres, s'il te plaît. Parfois, ça se passe bien et les corps s'attirent naturellement, avec ardeur et volupté. Bonsoir, j'ai vu ton pareo. Oh oui, je te veux, je te veux, je te veux. Quoi, Deia? Si, fais-moi la mort. Muy bien. Oui, il arrive de temps à autre que le courant passe, mais jamais si vite. Non. Après la première approche, surviennent alors les timides caresses, les battements de cils, les frôlements d'épaules. L'envie et le désir sont là, mais en attendant, il faut meubler, parler de choses et d'autres, car comme dit Woody Allen, la parole, c'est tout le mal qu'on se donne pour en arriver au sexe. Mais encore faut-il le faire avec des termes délicats. Nous entendons sûrement sur les plages des termes aussi tristes que « Alors on baise ?» Celui-là, je vais me le faire. Ou encore, celle-là, elle est bonne, je vais la pécho. Heureusement, depuis des temps immémoriaux, les poètes, nos poètes, nous ont ravis par de délicieuses métaphores propres à éveiller un peu plus nos sens, quitte à empiéter sur les prémices par un vocabulaire coquin, certes, mais adapté à la situation. Ainsi, chaque corps de métier trouvera aisément formule à son gré pour emballer un partenaire ou une partenaire. Les alpinistes pourront rêver à la grimpette, les bucoliques pourront butiner, les cavaliers pourront chevaucher ou bourriquer, pour les plus turbulents. Les surfeurs pourront washboarder. Bref, chacun y trouvera sa formule et le mot juste pour frapper à la porte de l'intimité de l'élu de son cœur. Hélas, nos poètes des temps jadis ignoraient le fléau qui sème aujourd'hui la peur et la panique chez les jeunes âmes prêtes à batifoler. Oui, mes bons amis, le sida est bien là et toujours là. Et donc, non seulement cet été, il faudra courtiser avec délicatesse, mais en plus, juste avant de s'envoler, il faudra proposer de se préserver. Et si jusque-là, vous avez flirté avec zèle, en alexandrin ou en prose, vous n'allez pas au moment le plus sublime étioler la rose ou faner la pose, ou l'inverse, en bredouillant quelques mots vulgaires et plats à propos du sida. Tu sais, Angélique, je brûle de te connaître. Et mon corps et mon cœur me le disent. Je suis à toi pour cette nuit. Je prends la lune à témoin. En déboutonnant ton corsage, c'est aux étoiles que je veux montrer ton corps nu. J'embrasse ton téton, mais c'est la création que je remercie par ce doux baiser. Dis, à propos, ça te va si je mets une capote? On ne sait jamais, après tout. On ne se connaît pas bien. Non, non, non, non. Là aussi, il faudra se montrer créatif et étonné par votre imagination et chercher la formulation propre à bercer la belle ou mater la bête sans l'effrayer. Vous pourriez ainsi, pour ceux qui aiment la cuisine, parler de rouler le chicon dans le jambon, glacer le boudoir avant de le tremper dans la tasse de thé, glisser l'andouillette dans sa chemise, napper la banane, saucer le dindonneau. Ou la bière, hein, ça dépend. Couvrir le soufflet avant qu'il ne retombe. Pour les amoureux de la vitesse, casquer le motard. Capoter le cabriolet. Poser la housse sur le bolide. Pour les campeurs, prudent, mettre un damar à l'esquimau. Pour les écrivains, capuchonner le stylo. Pour les chasseurs, gainer le fusil. Ou mettre la fleur au canon. Pour les marcheurs et les éclopés de guerre, enfiler un bas de soie sur la jambe de bois. Pour les archéologues, bandeletter la momie, glisser le pharaon dans le sarcophage, et en toute saison et pour toutes les bourses, mettre un bonnet au Père Noël, enfiler des moufles aux rennes, ou ganter l'index, et pour les fans du Tour de France, passer le maillot jaune aux champions. Bref, comme disait Molière quand il se dorait la pilule sur les plages, ah, qu'en termes galants ces choses-là sont mises. Croyez-moi, choisissez le terme adéquat et ainsi le boulanger pourra pétrir le mitron, les paysans pourront culbuter les bergères et les paysannes pourront labourer les fermiers. Je vous souhaite à tous un bel été et vous invite à faire la grenouille à l'envers ou la bête à deux dos, où que vous soyez. Ah, c'est beau, c'est ce que j'aime chez Eric de Sartre, c'est qu'on l'écoute, c'est plein de poésie. C'est... Oui. Ah, je suis déjà en vacances. Oui, nappez le boudoir. Eric de Sartre avec cette chronique autour des vacances hein, que nous prendrons demain, 17h30, et comme il est presque 17h30, c'est le presque mot de la fin. Cette conversation est terminée. Est terminée. Une actualité que vous avez sélectionnée, retenue, et que vous résumez en un mot, Raoul Reyers. Drague. Ah bon, c'est Vous me refaites le plan. Écoutez, c'est l'été. Oui. Drague, parce qu'en Chine, on donne des cours de drague à l'université. C'est pas vrai. Ah. Et si on faisait en humanité chez nous, ça les obligerait peut-être à arriver, ça les aiderait peut-être à arriver à l'université. Oui. Parce que ça leur donnerait le goût des études. Un cours attirant. Ça, ils apprendraient. Un cours attirant. Un cours attirant. Il y a du pratique, de la théorie. On prendra nos renseignements pour cet été. Michael Elbaz. Jackpot, et oui, pour Nintendo, dont l'action s'envole grâce à Pokémon Go et qui va remettre la NES en vente, donc son ancienne console. Et oui, il n'y a pas de petit profit. Ah non. Vincent Flibustier. Eh bien, c'est fin, tout simplement, pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent d'être là demain, parce que demain, c'est la dernière de la deuxième saison de CPS et ça va être bien. Ah, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Ouais, Eric de Stark. Eh bien, moi, c'était Avignon. Je voulais vous parler de Double de Nono Battisti qui se joue au théâtre Golovin à 22h. Mais je rajoute alors le Cirque des Femmes de Anne van den Plas, qu'on a entendu tout à l'heure. Qui joue à 12h12 au Verbe Fou. Ah bah voilà, c'est dit, c'est fait. Merci Eric de Stark. Et enfin, Pexi. Bah moi, j'ai vu qu'il y avait une pollution chimique qui affectait le cerveau des enfants et ça m'a beaucoup inquiété. Ouais. Parce que c'est les futurs adultes qui vont payer. Ça s'appelle Bel RTL. Merci à Pexi, merci à Michael Elbaz, à Eric Destar, à Raoul Reyer, c'est Soyez merci des nôtres. Wally. Demain, entre 16h et 17h30, puisque nous aurons une émission spéciale à vous proposer, durant 90 minutes, on va refaire tout ce qu'on a fait de bien durant la saison. C'est-à-dire pas grand-chose. Si, on n'était pas sérieux. C'est vrai, on était presque sérieux. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec de la musique, Chico M. Mendes et le retour de Baby Chouchou, 30 ans après. Si vous ne savez pas qui est Baby Chouchou, googlez. Et rendez-vous demain, puisque 30 ans après, eh bien, on l'a ressorti du carton. Et elle sera avec nous. Eh oui, madame, eh oui, monsieur. Bon, dans la suite, on a pris un peu de retard. On s'informe avec Pierre-Yves Muggens pour Soir Première. À demain pour la dernière de la saison de C'est Presque Sérieux. Ça se passe sur la Première. Tout à l'heure, à 20h... Le monde est un village. Ce jeudi, nous allons réunir des musiciens dans notre studio musical. Les chanteuses galiciennes de Yalma, par exemple. Par exemple aussi, la guitare magique de Quentin Dujardin. Un accordéon diatonique, Didier Laloy. Un ensemble qui va nous emmener sur le chemin de Santiago de Compostela. Saint-Jacques de Compostelle. C'est avec vous, c'est